se brise quand un papa qui part ses affaires dans le cabas. Toi tu pleures en cachette, tu viendras faire maman la maman. Tu es au monde, pensant rassembler, mais tout se casse en deux. Rester ensemble, autant faire semblant, juste pour que je me sente mieux. Mais la sentence qui n'est pas méritée, c'est la juge qui l'aura décidé. Services sociaux, éducatrice me suit. Sans avenir, sans scolarité. Reproche-moi pas d'être au bord des larmes. Je sais que papa me protégera moins qu'une âme. L'amour d'une mère, la même tête que mon père. Cœur d'enfant n'est pas fait que de pierre. Oh papa, oh maman, je vous aime, je vous aime. Je me suis fait une raison. Il n'y aura plus d'amour à la maison. Oh papa, oh maman, je vous aime, je vous aime. Je me suis fait une raison. Il n'y aura plus d'amour à la maison. Je suis devenu fort, je vais pas vous laisser seul. Je suis le fruit d'une mauvaise époque. C'est des erreurs qu'on fait quand on est jeune. C'est pas vous, c'est la faute des autres. J'ai pris cette force que vous m'avez donnée. On m'a fait mal, personne m'a raisonné. Je bois, je fume pour trouver le sommeil. Je cherche toujours l'enfance qu'on m'a volée. J'avais le seum, donc j'ai pris des risques. Je volais chez les riches, je suis souvent celui qu'on accuse. Derrière la vie, je défile, donc je me dis, là je suis près du trou. Soit je béton pour, je suis dans le four. Personne donne un rond, sans repère, sans daron. Heureusement que j'ai trouvé des potes qui avaient la même vie que moi. À qui la faute quand l'enfant fait ses lois, quand les parents s'éloignent. La nuit, je rentre pas, je me vide la tête. Soutenu par Hussein, je finis en pleurs. Je descends la tête, faut que je ralentisse. J'ai peur d'en parler. Une photo qui me rappelle où je vivais. J'avance en me disant que c'est du passé. J'ai tout gardé en moi, oui j'en ai pas fait. Oh papa, oh maman, je vous aime, je vous aime. Je me suis fait une raison. Il y aura plus d'amour à la maison. Oh papa, oh maman, je vous aime, je vous aime. Je me suis fait une raison. Il y aura plus d'amour.